Ah, c'est bon. Et voilà. T'as mal fait tes réglages. Génial. Un problème. Ah non, c'est bon. Bah, génial, du coup, je vois. Hein? On quitte Skype. Bah, du coup, ok. On parle sur le truc là-bas. Et on peut parler de toute façon sur. D'accord. Bon, go là. On quitte Skype, sinon ça fait un vieux son. Ça fait un putain d'écho sur ce. Ouais. Un putain d'écho sur ce. Attends, je vais baisser le son que je reçois de toi parce que là. Parce que là, putain, je t'en. Voilà, c'est bon, je m'entends bien. Arrête de faire des vieux solos, après moi je me sens comme un con avec mon ukulélé. Oui, je sais, je vais essayer. Enfin, un rythme rapide, ok, t'es prêt? Ça m'énerve parce que je m'entends. T'es prêt, Ralonf? De quoi? Je t'entends mal, hein. Tu t'entends pas? Mais moi je m'entends pas du tout. Je t'entends toi et pas moi. Bah, en fait, tu vois, il y a mon nom en bas. Il y a un petit curseur en dessous du. Quand tu joues, tu m'entends pas? Si, si. En bas, tu sais, il y a. Ouais. Il y a user. User quelque chose. Non, mais regarde. Mais pas moi. User quelque chose. Et là, tu baisses en dessous de défaut Chanel, il y a marqué. Et ben là, il y a un petit truc. Ouais. Ah, oui, tu t'entends pas? Pourtant, moi, je t'entends bien. Hein. Tu t'es peut-être. Monte ton son en dessous de ton nom. Local Chanel, juste en dessous de marqué New Chanel, il y a un petit curseur. Est-ce que tu m'entends pour t'entendre en même temps que toi. Je parle en même temps. Et tu règles selon. Voilà quoi. Vas-y, reparle. Parle. Ouais. Parle. Sam. Je t'entends pas parler là. Je parle, mais en fait je crois que tu m'entends 10 minutes après que j'ai parlé. Ouais, c'est non, ça. Non, mais tout marche, hein. Oui, je sais, mais j'ai déjà parlé en fait. Ouais, oui, depuis longtemps. Tu mets au moins 3 minutes. Je crois pas. On compte en même temps. Regarde par écrit. J'ai vraiment peur, ça. Quand je mets 1, on dit 1. Regarde. 2 3 Prêt 1 2 3 4 5 6 Allahu Akbar. Okay, c'est parti pour le rock. On ne pourra jamais jouer. Ouais, et toi tu diminues les oreilles. Quoi? Born to be wild. Thank you.